Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour l'émission Grand Large avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de cette culture française des Grands Larges pendant le Festival OFF d'Avignon 2018. Aujourd'hui, dans Grand Large, on reçoit Gaëtan Pau, David Seigneur et Nicolas Moin du spectacle Le Corps en Obstacle. Léone Louis, la comédienne de Cala, nous rejoindra également. Et bien sûr, nous écouterons de la poésie et nous continuerons nos découvertes avec la chronique de Nathalie Lollet. Bonjour Gaëtan Pau. Vous êtes l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle Le Corps en Obstacle, dont nous accueillons avec nous deux des cinq interprètes. Bonjour David Seigneur. Bonjour. Et Nicolas Moin. Moine, bonjour. Moine, pardon. Alors la pièce croise les destins de plusieurs personnages au sein d'une agence de sécurité privée qui décidera d'embaucher des sans-papiers. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Savannah. Vous avez rencontré Gaëtan Pau. Tout à fait. Pour mon troisième portrait, j'ai rencontré Gaëtan afin qu'il nous parle de son parcours jusqu'à la direction artistique de la compagnie Cousins d'Edgar. Il pose son regard sur les événements de notre époque en s'inspirant des gens qui l'entourent et de ses lectures. Ce sont donc le présent et l'actualité qui animent son travail d'écriture et c'est ce qu'il va nous expliquer dans l'interview que je vous propose aujourd'hui. Je m'appelle Gaëtan Pou, je suis le directeur artistique de la compagnie Cousins d'Edgar qui est basée à Paris. J'ai découvert le théâtre au lycée déjà, comme beaucoup, et puis après... J'ai fait des études de philosophie, que j'appréciais beaucoup, mais bon, je m'ennuyais un peu. Et puis j'ai découvert le théâtre, surtout par l'enseignement, en fait. C'est comme ça que j'ai découvert le théâtre, de manière plus intensive. Et puis j'ai tenté le concours de l'ESSAD à Paris, c'était en 98. Ça fait donc désormais 20 ans que je fais ce métier, quoi. La naissance de cette compagnie... est venu un peu tardivement. Voilà, cette compagnie, je l'ai créée il y a 4 ans. Et puis avant, j'ai beaucoup travaillé avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Technai, dont le directeur artistique est Quentin Defalt. Ça m'a permis de m'essayer à l'écriture aussi, parce qu'on faisait beaucoup d'écriture collective et aussi des écritures individuelles. Je pense qu'il y a toujours la place pour un regard nouveau. Voilà, pas forcément pertinent, parce que ça peut ne pas l'être, mais au moins nouveau. Il y a encore une manière de faire du théâtre, une manière de l'écrire qui se réinvente. De plus en plus, l'actualité m'intéresse. Voilà. Et cette pièce est une pièce d'actualité, et je crois que j'avais très envie d'écrire au présent. Hein. Ça, c'était important. Alors ça m'anime parce qu'en plus, nous vivons une époque qui a bougé ces temps-ci, ces temps derniers. On est un peu bousculé, je crois. Peut-être qu'on ne s'en rend pas tout à fait compte, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose. Je fais partie d'une génération qui n'a connu que la paix. Et le dire, c'est une chose. Se la répéter, on oublie facilement la paix. Enfin, c'est comme la démocratie, on oublie tranquillement, voilà. Donc, on peut s'endormir là-dessus et je crois que il y a quelque chose qui me surprend dans le fait que peut-être on a été bouleversé de façon plus profonde qu'il n'y paraît et que on se cache aussi parfois en disant qu'on est toujours en liberté, ce qui est vrai, hein, mais faut aussi admettre que nous avons été frappés, voilà, d'une manière extrêmement violente et sanglante, et que faut pas l'oublier. Faut, je crois, regarder ça en face. Je souhaite à la compagnie qu'elle dure, en fait, qu'elle dure le plus longtemps possible et qu'on lui donne de l'espace et de la liberté pour continuer à créer et continuer à dire. Je pense que nous, on essaiera d'écrire au présent, d'écrire sur des histoires d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus. Peut-être que dans quelques années, nos ambitions et nos désirs auront changé, mais aujourd'hui, c'est ça. Gaëtan Pau, avec ce spectacle, vous faites le constat d'une réalité ? Oui, enfin, du moins une impression. Je ne sais pas si mon constat est juste, mais c'est un ressenti. Voilà, quelque chose qui s'est, comme qu'on a reçu. On ne s'y attendait pas, je crois. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Comme je disais là, cette génération pacifiée, on a été, je pense, pris par surprise. Alors même si après, on nous l'explique, même si après, il y a toujours moyen d'intellectualiser les choses. Je crois que oui, c'est le constat d'une souffrance, en fait. Moi, je crois que c'est ça, quelque chose de sourd. Et ça m'a intrigué. Et donc, voilà, j'ai essayé de creuser l'histoire. J'ai essayé de voir un peu, déjà chez moi, chez les proches aussi, de voir comment est-ce qu'on vivait ce traumatisme, parce que je crois que c'en est un. Et que tous les traumatismes ne se hurlent pas forcément. Donc, j'ai essayé de voir un peu quelles peuvent être les conséquences de ça. Et une des conséquences, c'est par exemple aussi l'accroissement soudain des agences de sécurité. C'est un symptôme pour moi de cette souffrance. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ici, dans la pièce, l'inconnu, il sécurise. Tout à fait, mais on n'est plus à un paradoxe près dans ces moments-là, et notamment les agences de sécurité, c'est parti d'une intuition, en fait. Et notamment avec David, qui est là, on a rencontré très très tôt, notamment une personne qui s'occupe d'agences de sécurité, et assez rapidement, on se rend compte qu'à l'intérieur, notamment les petites agences, parce que les grosses agences, c'est différent maintenant, mais les petites agences... C'est très compliqué, c'est très paradoxal. Très paradoxal dans leur manière de fonctionner, très paradoxal aussi dans qui ils embauchent. Il y a là une bizarrerie, quoi. Un truc un peu... Oui, c'est l'inconnu qui va sécuriser, et puis surtout qu'on ne le connaît pas, donc on ne sait pas. Enfin, et puis quand bien même on connaît, un gendarme, un militaire, il est protégé par l'État. Donc c'est une différence de taille. Si jamais je vais être un peu vulgaire, mais si jamais il déconne, bon, mais il peut se faire reprendre à l'ordre. Mais dans les agences de sécurité, c'est plus complexe. Et donc je pense que ça va être une vraie interrogation dans les années qui vont venir. Et l'État va devoir sans doute aussi se positionner par rapport à ça. David, y a une phrase qui m'a marquée dans le spectacle. Je voulais vous faire réagir un petit peu là-dessus. L'agent de sécurité est un épouvantail qui fait illusion et il met son corps en obstacle. Elle n'est pas dans le spectacle, cette phrase. Elle est dans le texte, en tout cas. Épouvantail qui fait illusion. Oui, sinon, je ne crois pas, mais ce n'est pas grave. Il faut l'avoir entendu comme ça. Désolé. En tout cas, oui, effectivement. C'est un paradoxe aussi. Ils sont là pour sécuriser et eux ne sont pas protégés. C'est qu'ils n'ont, effectivement, ils ne sont pas armés, ils n'ont pas le droit de grand-chose. Ils n'ont pas le droit d'intervenir physiquement, normalement. Donc, c'est un épouvantail. C'est une image. Et d'où aussi le cliché où on met effectivement... un cliché de costauds, de grands, de gens de couleur, parce qu'ils font plus peur aux Français moyens. Et voilà, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'agents de sécurité dans n'importe quel Monoprix ou un Gilbert Joseph ou à la Fnac. C'est que des blacks, quoi. Et c'est quand même... Enfin, voilà, il faut le souligner. Alors vous, Nicolas, comment est-ce que vous avez appréhendé justement ce rôle d'une personne qui à la fois est dans l'ombre et réussit de manière assez extraordinaire à se détacher complètement de son passé ? Je pense qu'on ne se détache jamais vraiment de son passé. On peut le dire, on peut le crier, mais le passé, il reste là. À partir du moment où on ne l'a pas exorcisé. Et le personnage de Moussa, c'est un personnage qui a vécu des choses, on peut le dire, assez atroces, mais qui décide de ne pas rester là, de continuer d'avancer. Il n'oublie pas son passé, il le dit, mais il reste bel et bien présent dans ses réactions et dans ce qu'il l'entend et qu'il voit chez Cédric, le chef de l'entreprise de sécurité, chez Samira, chez Joseph, les différents protagonistes de la pièce, quoi. Et à quoi, justement, est-ce qu'il se rattache pour avancer ? Il se rattache à son rêve. En fait, souvent, quand on parle de migration, on oublie qu'il s'agit d'individus, Donc des individus qui ont des rêves, qui ont des objectifs et qui viennent, qui quittent leur pays parce qu'ils ne peuvent pas accomplir ces rêves-là et qui arrivent ici avec les mêmes objectifs. Et donc du coup, une fois ici, ils décident de mettre tout en place pour pouvoir atteindre cet objectif, ce rêve-là. Et donc voilà quoi. Alors dans cette pièce, il y a vraiment un mélange de figures à la fois poétiques mais aussi politiques. Il y a ces deux versants. Mmh. Ça peut exister. Je pense que Malraux était un poète. Enfin, je crois que ça peut exister. On l'a peut-être oublié, mais ça peut exister. Moi, j'avais envie, et notamment avec le personnage de Joseph, de prendre un peu de hauteur. C'est-à-dire que les sujets qui sont comme ça très... très ancré dans le concret, un peu poisseux aussi, c'est compliqué. Il fallait aussi, moi je trouvais que c'était nécessaire de prendre de la hauteur, de l'humour aussi. Donc, alors, poétique, tant mieux, mais c'est surtout la légèreté, quoi. Il y avait aussi la place pour la légèreté, m'a-t-il semblé. Et notamment pour rebondir sur ce que disait là à l'instant Nicolas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'imaginer qu'une personne qui fuit son pays ne soit pas poète, qu'une personne qui fuit son pays ne soit pas drôle, et qu'on ne peut pas, c'est impossible d'imaginer que l'avancée vers la vie, parce que c'est de ça dont il s'agit, ait atrophié le désir de tous ces gens-là. C'est absolument inimaginable. Donc ça peut paraître un peu simple, comme ça, un peu naïf aussi de le redire, mais voilà, on essaie de se le redire pour ne pas oublier que c'est possible, quoi. Alors, on en est à quelques jours maintenant, bien avancé du Festival OFF d'Avignon. Comment est-ce que vous appréhendez chacun ce début de festival au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné ? Moi, le festival, je l'aborde d'une manière très simple, c'est que c'est un vrai choix de faire ce genre de pièce dans ces lieux-là. Donc, quand je parle aux gens, quand je croise les gens, je mets en avant la Chapelle du Verbe Incarné, qui est un lieu avec une programmation cohérente. Ça a déjà été dit, j'imagine, mais moi, je le redis. La programmation, il n'y a que des auteurs vivants. C'est important de le souligner. Avec des sujets qui parlent d'aujourd'hui. Donc, le Festival d'Avignon, je ne m'occupe pas du reste, en fait. Je m'occupe de mon spectacle, de la chapelle, parce que c'est important, parce que c'est dans le sein de la chapelle. Après, le reste, voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le spectacle soit vu par le maximum de gens. Et c'est tout. Et qu'on en parle, et que ça échange, et que ça fasse réfléchir. Après, ce qui se passe ailleurs. Et vous deux ? Oh, pas mieux. Mais quand on tracte beaucoup, donc c'est vrai que le tractage... on ouvre, je crois qu'on en a parlé tous l'autre jour, on ouvre de plus en plus sur la chapelle, quoi. C'est une porte, parce que dans cette immensité du Festival OFF, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont cette colonne-là, ce choix-là. Donc c'est très important, c'est ce que vient de dire David, pour nous c'est une vraie fierté d'être là. C'est un honneur en fait d'être ici. Donc à partir de ce moment-là, on essaye de porter cet honneur au maximum, quoi. Vous avez vu d'autres pièces dans le théâtre ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce mélange justement, de ces rencontres ? C'est assez enrichissant de se retrouver justement au sein de ces liens. Exactement. Je trouve que on ne voit pas assez ce qui se passe dans les autres chapelles de l'archipel France. Et le fait de pouvoir avoir un lieu iconique comme la Chapelle du Verbe Incarné, ça nous permet de voir ce qui se passe de l'autre côté de la France, j'ai pour habitude de dire. De soulever aussi les problématiques que rencontrent les artistes de l'autre côté de la France, de voir la créativité, ce brassage énorme de culture qui fait aussi partie de la France. J'ai dit peut-être 4 fois France. Attention, ça devient suspect. France. Donc, ça nous enrichit. Ça peut que nous enrichir. Et puis nous-mêmes, on méconnaît tellement de choses. C'est fou d'arriver à notre âge, qui n'est plus tout jeune, et d'être à ce point-là ignorant sur plein de choses. Voilà, c'est vrai que ça, moi, ça m'interpelle aussi. Hein. Ça m'interpelle sur notre éducation à nous, de jeunes métros, quoi. Il y a une partie de notre histoire qui ne nous est pas enseignée, c'est certain. Et ça, pour ça que la chapelle du Vermacarmé est quand même un endroit très important, quoi. Il y a une image, moi, juste pour ajouter, que je trouve formidable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de théâtres qui font ça. Et il y a ces fameuses fêtes du mercredi soir à la chapelle. À 19h. Voilà. Et c'est magnifique, c'est que toutes les troupes se retrouvent. Et on en arrive à danser, à faire des battles de danse entre les Polynésiens, les Guadeloupéens, et même moi avec mes sandales. Mais c'est emblématique, en fait. C'est emblématique et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres lieux qui peuvent fédérer autant les gens. Enfin... Ça réunit, effectivement. Bon. Et juste pour répondre en fait à la question de tout à l'heure, où vous nous avez demandé comment on appréhendait le Festival d'Avignon Off. On l'appréhende avec beaucoup d'assurance parce que on a un beau spectacle qui traite d'un sujet qui nous touche, qui a touché la plupart des Français. Et maintenant, on a travaillé pour que ce spectacle soit là. Et on n'a qu'une seule hâte, c'est de le montrer au public. Donc c'est pourquoi on va chercher le maximum de personnes pour venir voir le gros cadeau qu'on leur a fait. Donc venez tous à 17h55 au Théâtre du Verbe de la Chapelle Incarnée. Merci à vous trois d'être venus. Bon festival. Merci. Merci. Je vous propose une pause tout en douceur avec les mots d'Edouard Glissant. Paroles d'Edouard Glissant. Une série radiophonique en 12 épisodes. Présentée par Raphaël Laureau. En collaboration avec l'Institut du Tout Monde. Paris, juillet 1988. Haut lieu de rencontre d'artistes sud-américains, la Galerie du Dragon célèbre Édouard Glissant, auteur depuis les années 1950 de nombreuses préfaces à ses catalogues d'expositions. Pour lui rendre hommage, tout en donnant à voir d'un seul regard sa vision poétique et esthétique, les œuvres de 21 artistes ont été rassemblées dans une exposition tout simplement intitulée « Autour d'Édouard Glissant ». L'occasion pour lui d'évoquer ici ses amis, peintres et sculpteurs des Amériques. L'âme, Mata, Cardenas, mais aussi Paalen, Zañartu et Camacho. Je ne crois pas que c'était une histoire surréaliste, mais c'était peut-être une histoire d'amitié surréaliste. Vous savez, les gens comme Mata, l'âme, qui venaient d'Amérique latine, ont rencontré très tôt les surréalistes. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu une grande rencontre de tous ces gens-là. Et on dit même que Mata a beaucoup influencé l'émergence de la peinture américaine moderne. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que des gens comme moi, qui sont venus du tiers-monde, etc., nous avons eu un contact, nous aussi, immédiat, avec des personnes comme Mata ou l'âme. Tant l'âme que Mata, ils ont pu placer leur propre art, leurs propres préoccupations, leurs propres pulsions dans la pulsion mondiale, dans le panorama mondial, dans l'horizon mondial. Et ce sont des gens qui ont une vision planétaire globale. C'est peut-être pour cela qui se sont intéressés beaucoup au surréalisme, mais qu'ils ont un peu quitté quand même le surréalisme. En tout cas, ce sont des traits d'union merveilleux. Il y avait chez tous ces gens-là à la fois une sorte de distorsion des formes du réel et une sorte de vocation à révéler le réel. Ce que en littérature, on a appelé d'ailleurs aux Antilles le réalisme merveilleux. C'est Carpentier qui dit ça et Jacques-Stéphane Alexis, le romancier haïtien, qui dit cela aussi. Il y a chez nous une vocation de réalisme merveilleux qui n'a rien à voir avec le réalisme. On dirait une phrase d'Éluard, d'ailleurs. Oui, oui. Ça, c'est près de ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces peintres comme Paalen Lamata, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, n'est-ce pas ? Ils sont complètement différents. Ils partagent cette même manière de voir sous le réel. Et d'oublier le réel tout en ramenant à lui. Et il me semble que avec cette peinture, les traditionnelles divisions en écoles de peinture, l'abstraction, le pointillisme, le ceci et ça, sont complètement caduques et dépassées. Et ce qui m'a toujours passionné chez Mata, par exemple, c'est qu'il dit qu'avec la peinture, il essaie de donner à voir non pas des choses, mais presque des états d'être. Les pulsions mentales qui constituent l'homme moderne, etc. Ce sont là deux préoccupations parallèles. D'une part, le paysage qui, en littérature, intervient comme un vrai personnage et non plus un décor. Et d'autre part, la représentation picturale qui essaie de peindre l'être intime de l'homme et non pas la réalité extérieure seulement. Oui, et oui. Il me semble que ça m'a toujours passionné. Et aussi, un certain sens du temps. Je veux dire, de la situation actuelle de l'homme. On dit souvent, par exemple, que les tableaux de Mata préfigurent ou dessinent des espaces intersidéraux, n'est-ce pas ? Mais on peut dire aussi que Cárdenas, par exemple, le sculpteur cubain, le grand sculpteur, retrouve la mémoire des formes africaines comme l'âme, n'est-ce pas ? Et que Gamarra explore la mémoire du paysage sud-américain, des forêts, des jungles sud-américaines. On a l'impression que ces tableaux de ces amis peintres, c'est votre paysage. Absolument. C'est mon paysage et c'est mon temps. Je veux dire, cette espèce de question qu'on se pose à l'heure actuelle sur la situation de l'homme, d'où qu'il soit dans le monde, par rapport à d'autres hommes. Vous savez, j'écris je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Poétique de la relation ». La relation des cultures aux autres. Eh bien, c'est étonnant comment, dans l'œuvre de certains peintres, cette question-là est présente. Retrouvez la radio du Thomas sur le net. www.verbincarné.fr Des ors sans des ors mon vie ou mon êtes toujours sur Grand Large et en attendant notre invitée, la comédienne Léon Louis du spectacle Cala, je vous propose de retrouver Nathalie Lollet et sa chronique sur femmes tisseuses, femmes conteuses. Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollet du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise. Bonjour Nathalie. Bonjour Savannah. Bel bonjour Avignon, bel bonjour Radio Thomas. Dites-moi Savannah, votre grand-mère vous a-t-elle jamais enseigné le tissage ou la couture en vous racontant des histoires ? Alors moi j'ai eu le droit au tricot Nathalie, elle a essayé de m'apprendre à tricoter en me racontant effectivement des histoires quand j'étais plus petite. Ouais. Des histoires de famille. Exactement. Formidable, alors vous allez aimer certainement ce qui va suivre. Car les femmes comptent, les femmes tissent et cousent pour suivre le fil de leur vraie nature magique, le fil de la vie. Femmes tisseuses, femmes conteuses, gardiennes de notre âme sauvage. Voici ce que dit la psychanalyste conteuse Clarissa Pinkola Estes. La vie sauvage et la femme sauvage sont toutes deux des espèces en danger. Au fil du temps, nous avons vu la nature instinctive féminine saccagée, repoussée, envahie de constructions. On l'a malmenée, au même titre que la faune, la flore et les terres sauvages. Cela fait des milliers d'années que, sitôt que nous avons le dos tourné, on la relègue aux terres les plus arides de la psyché. Au cours de l'histoire, les terres spirituelles de la femme sauvage ont été pillées ou brûlées. Ce n'est pas un hasard si les étendues sauvages de notre planète disparaissent en même temps que la compréhension de notre nature sauvage profonde s'amoindrit. On voit aisément pourquoi les vieilles forêts et les vieilles femmes sont tenues pour des ressources négligeables. Les histoires, les contes de fées, les mythes aiguisent notre vision des choses en nous aidant à mieux les comprendre, de sorte que nous pouvons retrouver et suivre la piste tracée par la nature sauvage. L'enseignement des contes nous donne la certitude que la piste n'a pas disparu, qu'elle mène les femmes de plus en plus profond au cœur de la connaissance d'elles-mêmes. Les traces que nous suivons, toutes sont celles du soi instinctuel, du soi sauvage et profond. C'est un extrait de Femmes qui courent avec les loups. Et c'est là assurément ce que nous dit Cala, le spectacle de la réunionnaise Léon Louis que nous attendons et qui joue à la chapelle du Verbe incarné pendant tout ce festival d'Avignon. La paroleuse conteuse parle de l'histoire de toutes les femmes en fait, en suivant le fil intérieur, la piste de sa vraie nature sauvage au sens de première, magique et universelle. En attendant, j'ai trouvé, en me promenant à l'Isle-sur-Sorgue, là où vit ma maman, pas très loin d'Avignon, une exposition qui parle dans le même sens que le conte, de ce fil qui nous relie à notre histoire immémoriale et à notre nature sauvage universelle. Il s'agit de Tissage Tressage à la Fondation Villa d'Atrice, qui expose 104 œuvres de sculpture contemporaine autour de l'art textile, du tissage et du tressage. La pratique ancestrale du fil qui s'entrecroise pour donner naissance à la matière textile, celle qui va couvrir, habiller et protéger les corps vivants ou morts, fait ici le lien avec notre part spirituelle. Mais il est aussi, pour certaines femmes artistes plasticiennes, un réel objet de revendication. En sortant le travail de main, le travail d'aiguille, de l'espace intime et domestique où il était confiné, elles ont imposé leur vision de la féminité et de la liberté, et cela avec des pionnières comme Sonia Delaunay dès les années 20. Car c'est aussi de cela qu'il s'agit dans cette exposition, du fil qui ficelle, qui muselle le tempérament de la femme sauvage de Pinkola Estes, le fil à la patte en quelque sorte. Il y a dans ce lieu des œuvres exceptionnelles qu'il faut absolument découvrir des heures durant, prendre le temps d'explorer ces visions, suivre ces fils pour parvenir au jardin des Pénélopes où sont installées des sculptures monumentales. Beaucoup de femmes artistes africaines et sud-américaines peuplent cette exposition. Il y a aussi des artistes engagées européennes, à présent disparues ou très âgées, des grandes personnes comme on les appelle aux Antilles. Et c'est très émouvant. Dans la salle de lecture de la Villa d'Atrice, j'ai découvert une œuvre surprenante d'Anne Lacouture. Anne est réunionnaise et vit à l'Isle-sur-la-Sorgue. Son œuvre exposée, Onantira, est un travail d'écriture et de tissage participatif. Le visiteur est invité à écrire sur de tout petits morceaux de papier un secret, un souhait, un mot d'amour, une prière, Ces messages récoltés sont ensuite enfermés dans de tout petits sacs transparents en forme de coussinets cousus de fil noir. Qu'Anne la Couture va lier les uns aux autres comme pour en faire une trame. C'est une œuvre qui s'étend au fil du temps et s'enrichit d'histoire. Au départ, elle ne faisait que 2,20 m, mais elle a grandi depuis. C'est une œuvre, et grandira encore, c'est une œuvre qui parle du temps et du lien, car Onantira était le nom du trophée guerrier des Indiens Hurons, composé d'une tête avec ses cheveux, un scalp en fait. Il le considérait aussi bien comme une protection que comme un avertissement guerrier et le suspendait à l'entrée de leur territoire. La peau était pour eux comme une matrice porteuse d'une mémoire et d'une histoire. Les cheveux sont considérés dans la symbolique universelle comme le lien au ciel. Mais je vais arrêter là mon tissage pour aujourd'hui et vous invite à aller découvrir cette exposition jusqu'au 1er novembre à la Fondation Villa d'Atrice à Lille-sur-la-Sorgue et ainsi que le spectacle qu'elle a à la chapelle du Verbe incarné. Je vous souhaite un bon festival à tous. C'était Nathalie Lollet à Avignon pour Antilla. Merci. Merci Nathalie. Continuons en beauté avec de la poésie portée par Greg Germain. Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain. J'ai souvent l'occasion de le dire, la poésie m'a beaucoup aidé, quelquefois dans mon travail, d'autres fois dans mes rêves d'adolescent. Vous savez, ces rêves d'adolescent, là, de pré-ado, quand on rêve de bataille, etc. Et puis aussi dans sa vie amoureuse. Un jour, j'étais à Marie-Galante, le pays de mon père, et je me baladais sur le bord de mer. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Et il y avait trois vieux qui étaient assis sur un banc et ils ont vu passer une jolie jeune femme dans une robe très légère qui bougeait dans le vent. Et il y en a un qui a dit à l'autre, en créole, « Messieurs, t'y forme là ça tellement belle, y'a des gens dit c'est vent qui dessinait », ce qui signifie en français, messieurs, « Cette jeune fille est si jolie qu'on croirait qu'elle a été dessinée par le vent ». Et cette phrase, ce qu'a dit ce vieux créole, je l'ai trouvée tellement belle que je l'ai immédiatement comparée à une phrase que Musset dit à propos d'une jolie jeune femme dans un poème formidable qui s'appelle « Une soirée perdue ». J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français. Ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode. Et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue enlacée et roulée en feston tourne comme un rébus autour d'un mirliton. J'écoutais cependant cette simple harmonie, et comme le bon sens fait parler le génie, j'admirais quel amour pour l'âpre vérité eut cet homme si fier en sa naïveté. Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde, quelle mal gaieté si triste et si profonde que, lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Et je me demandais, est-ce assez d'admirer ? Est-ce assez de venir un soir par aventure ? D'entendre au fond de l'âme un cri de la nature, d'essuyer une larme et de partir ainsi. Enfoncé que j'étais dans cette rêverie, ça et là, toutefois, lorgnant la galerie, je vis que devant moi se balançait gaiement, sous une tresse noire, un cou svelte et charmant. En voyant cette ébène enchâssée dans l'ivoire, un vers d'André Chénier chanta dans ma mémoire, un vers presque inconnu, refrain inachevé, frais comme le hasard, moins écrit que rêvé. J'osais m'en souvenir même devant Molière. Sa grande ombre, à coup sûr, ne s'en offensa pas. Et tout en écoutant, je murmurais tout bas, regardant cet enfant qui ne s'en doutait guère. Sous votre aimable tête, un cou blanc délicat se plie et de la neige effacerait l'éclat. Et donc, c'est ce qu'avait dit ce vieux créole. « Messieurs, t'y femme t'a tellement belle, y'a tes gens dit, c'est vent qui dessinait. Messieurs, cette fille est si jolie qu'on la croirait dessinée par le vent. » Ça m'a vraiment fait penser à ce vers d'André Chénier. « Sous votre aimable tête, un cou blanc délicat se plie, et de la neige effacerait l'éclat. » Alors, nous retrouverons notre invitée Léon Louis, la comédienne de Cala, dans une autre émission de Grand Large. Et je vous propose de retrouver Marie-Pierre Bousquet, la co-directrice du théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Bonjour. Bonjour. Estelle Laurentin, qui est la réalisatrice de notre émission Grand Large. Bonjour Estelle. Bonjour Savannah. Ainsi que Marie-Cécile, qui est restée avec nous pendant toute l'émission. Tout à fait. Alors Marie-Pierre, quelles sont les nouveautés à venir dans la programmation de la Chapelle du Verbe Incarné dans les jours qui arrivent ? Effectivement, après cette première semaine d'exploitation, il se passe pas mal de choses. On a un grand renouveau. Donc sur le créneau danser, on avait pu découvrir la compagnie lyrique avec Le mariage du diable ou L'ivrogne corrigé. Et on fait un grand pas, on change d'océan, on part dans le Pacifique et on retrouve la compagnie calédonienne de Véronique Nave, pardon, qu'on avait accueilli déjà il y a quelques années avec un spectacle, si les auditeurs s'en souviennent, qui s'appelait La Baie des Dames, qui était sur le bagne de femmes à Nouméa. Donc Véronique Nave et Gauthier Rigoulot, cette année, se sont adressés à la danse, aux danses du Pacifique. On fait un travail de choréologie, donc on travaillait sur la documentation, la mémoire, l'écriture des danses du Pacifique. Ils sont partis avec leur montgolfière là-bas, ils ont un petit dispositif assez amusant d'ailleurs. Et grâce à leur montgolfière, on découvre avec eux les danses du Pacifique, retraitées, contemporanéisées, si je puis dire. Et voilà, c'est un spectacle pour toute la famille, les grands, les petits, et ça commence donc demain. Estelle, est-ce que vous avez des nouveautés à nous annoncer, à découvrir dans les prochains jours ? Alors, côté nouveauté, effectivement, on va rentrer dans un programme assez spécifique qui est propre à la Chapelle du Verbe Incarné, qui s'appelle Les Écrans du Tout Monde, que nous organisons chaque année depuis... Alors, Marie-Pierre, depuis combien de temps, d'ailleurs ? Alors, Les Écrans du Tout Monde sont la suite des rencontres du Tout Monde qu'on organisait avec Édouard Glissant, en présence d'Édouard Glissant. Et sa pensée a vraiment été fondatrice dans le projet. D'ailleurs, depuis 11 ans, depuis 2007, la salle de spectacle de la Chapelle du Verbe Incarné s'appelle salle Édouard Glissant. Et donc, avec cette pensée du Tout-Monde, depuis qu'Édouard n'est plus là, avec Sylvie Glissant et l'Institut du Tout-Monde, nous continuons à porter des projets qui permettent de rester sensibles au monde tel qu'il est, au monde tel qu'il bouge. Et cette année, sur les écrans du Tout-Monde, donc les 15, 16 et 17 juillet le matin, à 9h45, on a voulu travailler sur les poétiques de résistance et voir comment la poésie, les humains, permettaient d'entrer en résistance face au rouleau compresseur de la mondialisation. Mondialisation à laquelle Édouard Glissant préférait plutôt la mondialité et la façon dont on se comporte les uns et les autres au monde. Donc on va ouvrir cette séquence des écrans du Tout Monde le 15 juillet avec un film assez extraordinaire qui s'appelle Fugitif ou Courtu. C'est un film de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval qui sont restés pendant un an dans la jungle de Calais. Donc ils ont conçu un premier film qui dure 4h30 je crois, qui s'appelle Héroïcland, qui a été présenté hier au cinéma Utopia. Et cette épopée, si je peux l'appeler ainsi, est tellement extraordinaire qu'Arte leur a demandé pour leur case, leur magnifique case La Lucarne, dans laquelle on découvre tout ce qu'on ne peut découvrir ailleurs, leur a demandé de remonter un film à partir de tous les rushs non utilisés. Et ce film s'appelle Fugitif ou Courtu. Donc c'est dimanche matin, c'est une avant-première Arte. Et je voulais aussi signaler que ce titre, Fugitif ou Courtu, est issu d'un recueil de Denethem Twambona, le philosophe donc avec qui ils ont travaillé. Denethem qui sera présent pour la discussion à l'issue du film. Donc on va repartir dans une traversée de cette jungle de Calais qui accueille, je ne trouve pas d'autres mots, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'accueil, en tout cas qui rassemble des tragédies, des traversées, des trajectoires humaines absolument hors du commun. Parce que pour partir d'un pays comme l'ont fait tous les gens qui se retrouvent là, c'est vraiment une forme de courage assez extraordinaire. Et d'ailleurs, je suis très émue quand je parle de ce film parce que on se retrouve au cœur d'une humanité qu'on a plutôt tendance à laisser à côté de nous. Et vraiment en parler, le travail de documentation qu'ont fait Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval est vraiment indispensable de mon point de vue de nos jours. Donc ça, ce sera l'ouverture le 15 juillet avec bien sûr la complicité permanente d'Edoui Plenel. Edoui, quand il vient à la chapelle du Verbe incarné rencontrer la parole d'Edouard Glissant, il nous dit que c'est sa roche de Solutré. Et effectivement, chaque année, on se retrouve avec grand plaisir là-dessus. Et Edoui Plenel a aussi toujours questionné ces questions de migration. Et nous les retrouverons tous sur cette émission Grand Large lundi 16 juillet, parce qu'ils nous font la gentillesse de venir l'enregistrer avec nous, donc Edoui, Nicolas Klotz et Denethem Toine-Bona parleront de ces fugitifs. Et puis on enchaîne le 16 juillet avec tout autre sujet. Marie-Pierre, si tu as encore du souffle pour nous le raconter. Oui, bien sûr, parce que là, c'est un souffle nouveau. C'est un auteur congolais qui s'appelle Sonny Laboutansi. Dans les 20 ans de programmation de Chapelle du Verbe incarné, c'est absolument étonnant que nous n'ayons jamais accueilli ces textes. C'est un... Je ne vais pas dire que c'est un regret parce que, ou une erreur parce que ça ne s'est pas fait comme ça, mais c'est un auteur absolument majeur qui nous disait « Je ne suis pas à développer, mais à prendre ou à laisser ». Et je pense que cette parole de Sonny Laboutansi, elle est vraiment très importante. Donc on va avoir encore une matinée assez extraordinaire avec l'acteur et metteur en scène Jean-Félix Kimbirima, qui va nous interpréter des grands extraits du Point Virgule, une pièce emblématique de Sonny Laboutansi. Sonny Laboutansi qui nous a parlé d'absurdité, de l'absurde, voilà, et qui a aussi inauguré l'absurdité du désespoir. Donc on se retrouve bien encore une fois avec la pensée de cet auteur dans nos poétiques de résistance. Et la matinée sera complétée avec une rencontre avec Patrice Yingo, qui est un anthropologue et chercheur associé à l'Institut des Montagnes Africaines de l'EHESS, et qui là aussi connaît extrêmement bien toute l'œuvre de Sonny Laboutansi. Et je pense que ce sera une bonne introduction pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis une bonne façon de retrouver cet auteur pour ceux qui le connaissent déjà. Alors, plein de découvertes encore, et du coup, des nouveaux portraits, Marie-Cécile, à venir. Tout à fait. La semaine prochaine, je vais interroger un des acteurs de Circuler, et aussi Paul Wameau, pour son solo qui va arriver dans la troisième partie de Danser. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. C'était Savannah Massé et Alice Baudouin à la technique pour Grand Large, en direct de la chapelle du Verbe incarné. Alors, évidemment, on se retrouve demain pour un plateau assez spécial autour des questions de la diffusion dans le spectacle vivant en Outre-mer. Alors, on peut vous retrouver également à aujourd'hui à 16h15 devant le théâtre du Verbe de la Chapelle incarnée pour la parade de tous nos artistes. D'ici là, écoutez-nous en podcast sur le site verbeincarné.fr, également sur notre page Facebook et sur Aligre FM 93.1 à partir de demain à 19h. Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.